C'est la radio Isanganiro que vous écoutez. Merci de lui être fidèle. Bienvenue à cette édition de la soirée en langue française. Tout d'abord, les principales articulations. Nous sommes au lendemain de la tenue du scrutin référendaire sur la révision constitutionnelle. Toujours pas de résultat définitif, mais le résultat provisoire apporté par nos collègues en synergie des médias prouve que le oui s'est taillé la part du lion. Et c'est un scrutin qui s'est tenu dans une bonne atmosphère, selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, que vous suivrez tout à l'heure. C'est ce jeudi également que les musulmans ont commencé leur mois de Ramadan. La communauté burundaise de musulmans fait savoir que ce mois marque un début d'entraînement pour garder la fidélité d'Allah. Vous entendrez le représentant légal de cette communauté. À quand la passation du concours national qui donne accès à l'enseignement secondaire post et fondamental? Les élèves de certaines écoles à mairie de Bujumbura disent être prêts à affronter cet examen, même si la date de sa passation ne leur est pas encore été communiquée. À Karoussi, on parle encore d'un enfant de 6 mois exhumé après avoir été enterré clandestinement par son père et sa marâtre qui l'aurait d'ailleurs tué. Voilà pour le sommaire. Mise en onde par Albert Ndouayo, ce journal vous est présenté par Elini Bello Nibigil. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Je vous le disais tout à l'heure, ce jeudi, les Burundais se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur le référendum de la révision constitutionnelle, comme l'ont rapporté nos collègues qui travaillaient en synergie depuis le matin de ce jeudi. Les résultats provisoires de ce scrutin montrent que le oui semble venir en première position dans plusieurs provinces du pays. Et la Commission électorale nationale indépendante, CENI, salue l'atmosphère du déroulement du scrutin référendaire de ce jeudi. Prosper Nagwamiye, porte-parole de cette institution, affirme qu'il n'a pas été mis au courant du refoulement des mandataires politiques de la coalition Amizero ya Barundi, ayant été refusé les accréditations et d'autres arrêtés. Il promet également que les journalistes peuvent accéder aux procès-verbaux des résultats électoraux, même s'ils ne précisent pas le jour de publication des dits résultats. Suivez-le, il est au micro de Francine Ndihokukai. Maintenant, la centralisation au niveau des bureaux de vote est terminée depuis hier soir. Aujourd'hui, dans cet avant-midi, les centralisations sont terminées au niveau des communes. Les informations que nous avons, au moment où nous parlons, les centralisations sont en cours de finalisation au niveau des provinces. Nous espérons qu'en début de cet après-midi, nous pouvons commencer à voir les centralisations au niveau province. Alors, dès que les centralisations provinciales arrivent au niveau de la CENI va faire une centralisation nationale. Et dès que cette centralisation nationale est terminée, nous allons fixer un jour et un rendez-vous pour faire la proclamation des résultats provisoires à l'intention du public. Bon, il serait difficile de préciser le jour, mais comme nous travaillons en pleine collaboration, gardons contact. Dès que c'est prêt, on vous fera signe. Des irrégularités, en a-t-il eu au cours de ce vote référendaire? Irrégularités, c'est trop dit. Peut-être des petits incidents d'ordre organisationnel, mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'irrégularités constatées de nature à invalider un scrutin. C'était de petites anomalies d'ordre logistique et opérationnel. Pourtant, la coalition Amizero ya Barundi déplore que ces mandataires ont été malmenés, même emprisonnés. Il y en aurait eu même qui se sont vus refuser l'accréditation. Peut-on savoir pourquoi? Des mandataires de Amizero à qui on a refusé l'accréditation, je viens de l'apprendre ici à l'antenne. Ce que nous avons appris au niveau de la CENI, c'est qu'il y aurait eu certaines accréditations qui étaient, je ne sais pas falsifié ou qui n'était pas propre. Mais sinon, là où c'était déclaré qu'il y avait un petit problème, on était en contact direct avec nos CPI. Les choses ont été vite réglées. À ma connaissance, il n'y a personne à qui on a empêché d'observer alors qu'il avait été accrédité. Les journalistes n'ont pas eu accès aux résultats de ceci. Pourquoi ce blocage? Encore une fois, c'est une information que je viens de capter ici. À ma connaissance, les journalistes ont eu accès aux résultats. En témoignent les différents reportages que les journalistes ont fait durant la journée d'hier et d'aujourd'hui, ça m'étonnerait. Seulement, concernant les procès-verbaux des opérations de vote et des résultats, ce sont des procès-verbaux à qui on donnait aux mandataires des partis politiques et des coalitions. C'était deux PV, un PV pour un groupe de gens qui ont observé pour le oui et un autre PV pour un groupe qui a observé pour le nom. Mais le journaliste qui voulait avoir l'une ou l'autre information, l'information était accessible à notre connaissance. Ce sont des informations qui nous ont été transmises par les reporters sur terrain. Si cet accès aux procès-verbaux n'a pas eu lieu, est-ce que ça ne va pas être qualifié de manque de transparence? Il n'y a pas eu manque de transparence puisque vous avez fait le reportage des résultats durant toute la journée. Aujourd'hui, peut-être chose qui ne se dit pas, peut-être qu'il y aurait un problème de communication. Vous savez, quand on communique mal ou quand on ne communique pas, parfois il peut y avoir des incompréhensions. Moi, je situe cela comme une sorte d'incompréhension. Peut-être qu'il y aurait eu l'un ou l'autre journaliste qui n'a pas pu bien communiquer avec un membre du bureau de vote ou un responsable de la CEPI ou de la CECI. Mais sinon, les consignes étaient claires. C'était la courtoisie, la collaboration avec les différents partenaires, surtout les médias. En tout cas, quelqu'un qui aura besoin d'un procès verbal pourra le consulter. Il n'y a pas de problème. Ça devient un document d'archives pour les annales de l'histoire de notre pays, surtout l'histoire des élections. Il s'appelle Prosper Nhaoguamie, porte-parole de la CENI, dont les propos ont été recueillis par notre consoeur Francine Ndihokubgayo au compte de la Synergie des médias. C'était en début de cet après-midi. Page de sécurité, un cadavre d'un enfant de 6 mois a été exhumé ce mercredi à la colline Luyaga de la commune Buhiga en province Karusi, une semaine après l'enterrement de son corps. La police indique que l'enfant a été tué par son père à la colline Gahashi de la commune Gitaramuka en connivence avec sa femme marâtre de cet enfant de Karusi, Blaise Pascal Kararumi. Le corps sans vie de cet enfant de 6 ans a été exhumé d'une latrine ce mercredi à la colline Ruyaga de la commune Ruyaga, province Karushi, et par la suite dignement enterré au cimetière de cette colline le soir de ce même jour. Cette activité a été faite par la population en collaboration avec la police et les responsables administratifs de la commune Gitaramuka, où résident les parents de cet enfant. La police indique que ce garçon a été tué par son père, Dino de Maxime Ndouayezu, en connivence avec sa femme, marâtre de cet enfant, en date du 9 mai courant. Elle indique qu'après la mort, ils l'ont même enterré non loin du ménage à Gahashi de la commune Gitaramuka. La police signale que ses parents l'ont d'abord ligoté les bras et les jambes pour lui faire avaler du poison qu'il a achevé. Ces mêmes sources font savoir que ses parents ont par après exhumé son corps et sont allés l'enterrer dans une latrine là où la police l'a exhumé dans la commune Buhiga et affirme que ses parents ont fait cela pour cacher les traces au moment où la population commençait à s'inquiéter de la disparition de cet enfant. Donc Maxime Ndouaïs, de 25 ans, est au cachot de la police et du commissariat de Karusi depuis ce jeudi. Et ce dernier dit que l'enfant est mort pendant qu'il le corrigeait pour avoir l'entrée à la maison un peu tard, alors que le corps a été retrouvé toujours ligoté, les bras et les jambes, comme la police l'indique. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour la radio Sanganiro. Page justice, le tribunal de grande instance de Kirundo vient de condamner M. Siboman Basile pour un an de prison et 400 000 francs burundais d'amende pour avoir influencé les électeurs en déchirant le bulletin de vote. Il en a même le temps acquitté Mademoiselle Kabumwe Pelagie. On va marquer une pause et on revient pour parler de la société. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le mois de Ramadan est une période d'exercice effectuée par les musulmans afin de rester juste et fidèle à Dieu. C'est ce qui est indiqué par le représentant légal de la communauté musulmane du Burundi après que les musulmans aient débuté ce jeudi la période de Ramadan. Cher Sadiq Kajandi appelle tous les Burundais au respect mutuel et à la préservation de la paix. On l'écoute, il est traduit en français par Moïse Emisago. Ukwezi kuyanda kwa Ramadhani lero nubuzima buhambaye mubuzima bwa Islam. Ce mois de Ramadan est une période importante pour la vie musulmane. C'est l'un des cinq piliers de l'Islam. Il s'agit du quatrième pilier de cette religion. Pendant cette période, tous les musulmans jeûneront la journée durant 30 jours. Nous n'aurons pas à nous priver non seulement de la nourriture, mais aussi tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est aussi le moment d'entraînement pour qu'après le mois de Ramadan, chaque personne reste fidèle et juste. Pendant le mois de Ramadan, même celui qui n'avait pas l'habitude de prier, d'aider les autres, adopte cette habitude. Le mois de Ramadan est aussi une occasion pour les pécheurs d'y renoncer. J'appelle les musulmans en particulier et les Burundais en général de rester fidèles à Dieu. Sans doute, cela contribuera au respect des autres, abandon des mensonges et d'éviter tout comportement qui pourrait être à l'origine de la guerre. Tout un chacun est appelé à la consolidation de la paix. Et le mois de Ramadan est une occasion pour les musulmans d'intensifier les œuvres de charité. À Muyinga, un groupe de fidèles s'engage à offrir à manger aux nécessiteux, conformément aux enseignements du prophète Mahomet de Muyinga, Dieu de Nenzeiman. Au début du mois du Ramadan, à part le jeûne, les musulmans de Muyinga multiplient les œuvres de charité. Entre autres œuvres, distribuer la nourriture aux nécessités, rendre visite aux malades, surtout à l'hôpital de Muyinga. Une centaine de musulmans en robe ou en jilbab, alignés des petits jusqu'aux adultes, apportent aux patients et gardes malades des vivres et savons récoltés dans les ménages et au marché. Les patients saluent cette initiative. C'est un héritage des envoyés de Dieu d'Ibrahim à Mohamed, déclare un jeune homme, un des organisateurs de ces activités. Et pourquoi est-ce que de telles initiatives sont intensifiées au cours du Ramadan? Les musulmans rappellent qu'au cours de ce mois, l'on s'attend à plus de bénédictions. De Muyinga, Dieu de Nenzaimana pour la radio Isanganiro. Page éducation à présent, je vous l'avais dit en titre, certaines écoles fondamentales de la mairie de Bujumbura se préparent au concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental. C'est le cas de l'école fondamentale Estera Matutina et celle de Djabé 1, comme me le disent les directrices de ces écoles, où nos reporters se sont rendus. Certaines matières sont déjà achevées, des tests d'entraînement sont organisés à l'endroit des élèves concernés. Reportage signé Namiandaike, gestagiaire à la radio Isanganiro, qui a effectué le tour sur certaines écoles. À l'école fondamentale Stella Matutina, les préparatifs au concours national édition 2017-2018 vont bon train, comme l'indique madame la directrice de cette école. Cette dernière précise que toutes les matières ont été vues. Nous sommes en cours de préparation au concours national. Les programmes ont été achevés. Pour le moment, nous exerçons les élèves à l'aide des tests d'entraînement. Nous avons déjà donné des tests complets dans tous les domaines et nous avons aussi fait des analyses et des résultats pour analyser le niveau d'acquisition des connaissances. C'est toujours juste dans le but d'entraîner les élèves au concours national 2018. La situation n'est pas la même à l'école fondamentale Djabé 1. La directrice Jeanne Dikungami dit que seuls les cours de langue 1 et de physique et technologie sont déjà achevés. Les professeurs qui donnent la langue 1, ils ont presque terminé en ces technologies. Lui aussi a déjà terminé son programme. Et les autres en train de faire de son mieux pour terminer. Ina Maholo Marie-Claire, directrice de l'école fondamentale Stella Matutina, lance un appel aux parents d'encadrer leurs enfants pour la bonne préparation à ce concours. Nous interpellons les parents d'encadrer leurs enfants à la maison parce que là-bas il y a des cinémas. Les élèves peuvent être perdus en regardant ces films et perdent automatiquement le temps de réviser les cours. C'est au mois où le concours national édition 2017-2018 donnant accès à l'enseignement post-fondamental se déroulera au cours de ce mois de mai, selon les informations données par le porte-parole du ministère de l'Éducation. Avant de clore ce journal, la langue swahili a une grande importance pour les Burundais dans la mesure où le Burundi est l'un des pays membres de la communauté est-africaine. Cela a été déclaré par le professeur de la langue swahili à l'université lors de l'atelier visant l'enquête des swahilophones au Burundi. Dorothée Nshimimana, chef de la commission chargée de l'enquête des swahilophones au Burundi, indique que la langue swahili est une langue comme tant d'autres. Pour ce, elle mérite d'être valorisée, a-t-elle ajouté. On l'écoute dans une traduction de Vestine Mutui. La raison de cette conférence est de voir comment le swahili est utilisé au Burundi. Où est-ce qu'on emploie le swahili? Qui sont ses utilisateurs? Ce swahili est une langue apprise ou non? Ce n'est pas un travail qui est en train de s'effectuer au Burundi seulement, mais il s'étend dans toute la communauté est-africaine. En utilisant la langue swahili, ça nous aidera à bien nous intégrer dans la communauté est-africaine, car on ne peut pas aller au Kenya en parlant du kirundi ou du français. Même si je connaîtrais l'anglais, ce n'est pas tous les Kenyans qui l'utilisent. Cela nous permet de voir que le swahili, comme la communauté est-africaine l'a admis en tant qu'une autre langue de communication, a une grande importance dans le but de renforcer l'unité est-africaine. Je suis professeur de langue swahili dans les universités il y a 25 ans. J'ai commencé en mars 1993. Je suis burundaise. Je peux mettre des nilos à la burundaise et tu ne peux pas dire que je suis musulmane, car les Burundais disent que les musulmanes sont celles qui portent des voiles sur leur tête. J'ai appris la langue swahili comme d'autres langues, donc c'est une langue comme tant d'autres. Il ne faut pas confondre le voleur, le menteur avec le swahilophone. C'était à l'époque où on ignorait l'importance de cette langue. Et bien voilà, nous arrivons à bon port. C'est par ici qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la parfaite collaboration technique. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à sa réalisation. Et Dinibe Nibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer une agréable soirée à tous. Au revoir.